Bonjour, soyez tous salués. Je vous prie donc de partager cette vidéo auprès de tous ceux qui, de loin et de près, étaient et sont toujours intéressés à participer au grand séminaire qui était prévu au Mont-Saint-Michel au mois de février 2021. Puisque février avance à grands pas, c'est-à-dire que c'est pratiquement dans un mois. Ainsi donc, il a été décidé, au vu de certains facteurs, de certains événements, de certaines raisons, il a été décidé que ce séminaire va être renvoyé à une date ultérieure. Les raisons sont multiples, bien sûr. Les raisons sont d'ordre d'abord général. Nous savons ce qui secoue la planète actuellement à propos du corona. Et ce matin, pour ceux qui m'ont suivi sur ma page Facebook, je vous ai parlé du Covid-21. Alors, ça, c'est la troisième phase, une troisième vague de Covid. En fait, vous en souvenez qu'il y a de cela un an. Il y a de cela un an, nous avions lancé la campagne sur le séminaire qui devait avoir lieu en février. N'est-ce pas? Février 2021. Et il y a eu beaucoup de personnes, naturellement, qui ont ménagé des efforts, qui ont fait des efforts de pouvoir mettre de côté leur participation. Donc, à ceux, je vais m'adresser donc à ceux qui ont déjà déposé leur participation, ils se reconnaissent. Et je vais m'adresser également à ceux qui n'ont pas pu déposer leur participation. Les premières raisons qui nous ont amenés, c'est-à-dire quand je dis nous, et l'administration générale, c'est-à-dire que de l'administratrice principale et de nos délégués au niveau de la France, ce qui nous a amenés justement à revoir les dates de ce prochain séminaire, conférence, c'est considérant les points que je vais pouvoir énumérer ici. Considérant que depuis le mois de décembre, nous connaissions une crise sanitaire assez importante, car ce communiqué, rappelez-vous, avait été lancé depuis mon dernier séminaire, en janvier 2020. Le dernier séminaire que nous avons eu au Havre, en France. Donc, nous avions décidé unanimement que on devait tenir un autre séminaire, soit en juin 2020 ou bien en février 2021. Bon, février 2020, 2021, autant pour moi, a été la date appropriée, mais on ne s'y attendait pas. Car un mois plus tard, après mon retour ici aux États-Unis, ben voilà, le corona a frappé et tout. Donc depuis là, il y a eu beaucoup d'hésitations de part et d'autre. Il est vrai que ce n'était pas une raison pour certains d'entre vous de ne pas verser l'argent dans la cagnotte. Et nous avions eu également des petits problèmes internes par rapport on appelle ça comment? Au compte que nous avons ouvert avec PayPal, il y a eu des petits litiges, des petits problèmes internes, mais c'est en cours de résolution. Dieu merci que vous n'étiez pas nombreux à avoir mis de l'argent là-dedans, donc nous sommes en train de nous battre. Ça, c'est un problème qui va être résolu. Mais il y a un nouveau compte qui a été ouvert et qui est disponible. C'est un compte bancaire qui est associé avec un nouveau compte PayPal. Et vous savez, cette affaire de transférer de l'argent des comptes bancaires à bancaires, des comptes bancaires à un autre compte, j'avoue que personnellement, je suis un peu hésitant. Voilà pourquoi nous avons mis en place d'autres procédures d'envoi de l'argent. C'est envoyer votre argent par Western ou bien par MoneyGram ou par RIA. Si c'est par Western, vous pouvez les envoyer directement à votre serviteur. Le reçu, tout va être signé, votre nom va être enregistré et cet argent va être mis dans le compte approprié, c'est-à-dire le compte bancaire, qui est suivi par le comité de gestion de Baobab France et l'administratrice générale de nos groupes, ici au niveau des États-Unis. Donc, il y a une grande transparence hein, qui est en tout cas qui est là, et puis il n'y aura pas vous cacher de quoi que ce soit. Alors, ne vous découragez pas. C'est simplement à cause de ce problème de corona-là. Vous êtes au courant que depuis le début du mois de janvier, la plupart des pays d'Europe, précisément la France, là où nous devions organiser le séminaire, il y a eu des nouvelles lois. C'est des nouvelles lois politiques qui ont un peu empiété sur cette affaire de notre sur la plupart des événements. Je ne suis pas le seul, hein. Il y a beaucoup de frères, sœurs qui avaient des conférences prévues, ceci, cela. Mais compte tenu du fait que durant comment dirais-je, pendant l'hiver, il est très difficile de respecter les mesures barrières. Et comme vous le savez, nous avions abordé la phase 2 et les gouvernements, la plupart des pays, comme le gouvernement français, a mis des restrictions sur cette affaire des mesures barrières. Ce qui fait que la salle qui était assignée à la circonstance, donc assignée à notre séminaire, cette salle devait recevoir 60 personnes, minimum. Mais malheureusement, les nouvelles mesures barrières exigent que il faut un maximum de 10 personnes par événement. Alors imaginez-vous, hein, vous n'allez pas me faire déplacer, et moi et ma délégation, pour venir faire un séminaire, là vous êtes seulement 10 personnes. Moi ça ne me dérange pas, hein, puisque vous payez, tout est payé, les frais, vous payez les frais de déplacement et tout, mais 10 personnes, non, ça n'a pas de sens. L'objectif, c'est de voir tout le monde présent. Voilà pourquoi nous avions réfléchi que le séminaire pour la date qui a été prévue, donc au mois de février, est reporté à une date ultérieure. Reporté à une date ultérieure, nous avons donc, et l'administratrice et moi, et la délégation au niveau de la France, nous avons réfléchi que durant la période de l'été, ce serait l'occasion opportune pour pouvoir organiser ce séminaire. Donc, fin juin ou fin juillet. Conséquence. Puisque si on renvoie ça, j'ai dit, je maintiens très bien, suivez-moi très bien, que le séminaire conférence n'est pas annulé, mais il est simplement renvoyé. OK? Il faut le retenir. Maintenant, pour ceux qui ont déjà fait des versements, veillez. Certains ont commencé à faire des versements à contre-gouttes. S'il vous plaît, continuez à faire ces versements. Vous connaissez le montant total qu'il faut payer. Je crois que c'est 1050 ou 1000 combien? 1050 euros. Ou bien 600 euros si vous ne voulez pas faire partie du groupe. Vous devez toujours continuer à verser. Pour d'autres qui ont payé cash, tant mieux. C'est-à-dire ils ont payé tout le lot. Et vous savez vers qui il faut les adresser. Mais sauf le petit problème que nous avons avec PayPal, mais pour le moment, nous avons les noms. Vous connaissez les noms des personnes. Dans les forums, on vous dit les noms des personnes auprès de qui vous devez envoyer cet argent. Ce sont des personnes qui sont membres, n'est-ce pas, de nos groupes et de notre organisation. Et cet argent va être acheminé dans le compte. Et les personnes qui envoient cet argent, les noms sont connus, nous vous enverrons des reçus. Donc, il n'y a pas d'inquiétude dans ce sens. Donc, continuez à faire ces versements, ou bien à contre-goutte, puisqu'il y a certains, surtout les étudiants, qui payent à contre-goutte. Vous pouvez donc payer à contre-goutte, sans gêne. Vous payez un peu, petit à petit, pendant d'autres, ça dépend de vos moyens. Vous pouvez payer en deux tranches, d'autres peuvent payer en trois tranches, d'autres peuvent payer en cinq tranches, pourquoi pas. Donc, la balle est dans votre camp que nous avons trouvé raisonnable, hein, que si nous nous retrouvons par exemple en été, ce serait mieux. Hein. Été veut dire fin juin ou début juillet. Je sais que beaucoup se déplacent, vont vers l'Afrique, mais c'est la date pour le moment que nous nous projetons. On va vous confirmer la date. Maintenant, si la majorité tombe d'accord que oui, on va le faire au mois de juillet, il n'y a pas de problème. Mais si vous trouvez que ça va être renvoyé avant la fin de l'année, à un autre mois, ça ne me dérange pas du tout. Je suis toujours disponible. D'accord? Tout marche sur votre invitation. Pour le moment, si tout marche très bien, moi j'ai un déplacement à faire. Dans quelques semaines, je suis invité dans deux pays africains. Donc, je ne veux pas vous dire les pays, mais c'est toujours dans le même sens. Eux, ils se sont pris à temps. Ils m'ont contacté en privé. Bon, c'est vrai que c'est des groupes. Ils ont dit non, ils veulent me voir. Ils veulent me voir. Bon, ça, c'est dans le cadre des travaux. C'est des gens qui veulent faire des travaux, ça n'a rien à voir avec les séminaires. Ils veulent faire des travaux urgents. C'est un bon groupe d'au moins une cinquantaine de personnes dans ces deux pays africains où je veux me rendre. C'est des pays anglophones. Et j'étais donc obligé, ce n'était pas à cause de ça que moi j'annule le séminaire. Ça, leur le voyage à ces pays était prévu après le séminaire de la France. Mais quand j'essaye de discuter avec les gens sur place en France, avec les officiels, des gens qui travaillent, qui sont des fonctionnaires là-bas, et des gens simples comme d'autres personnes que je connais qui sont des étudiants, ils nous expliquent que la situation au niveau de la France, ce n'est pas la joie, que ce n'est pas évident qu'en février, là, on pourra avoir le séminaire et qu'on aura plus de 60 personnes dans une salle. La loi, elle est claire, elle a été votée par le Congrès français, le Parlement. On ne peut pas avoir plus de 10 personnes en rassemblement. Donc, ça, considérer cela, ça, c'est la vérité. C'est pour cela qu'on a renvoyé. Or, en été, oui, les regroupements sont autorisés. Vous savez, en été, on ne peut pas empêcher les gens de se retrouver, sauf qu'il y a les mesures barrières qu'on peut respecter facilement. On peut le faire en plein air. Vous savez, entre le mois de juin jusqu'au mois d'août, tout se fait en plein air. Donc, en ce moment, même si vous êtes 100, 500 ou 1000 personnes, vous avez vu ce qui s'est passé au cours des élections ici, il n'y aurait pas un problème. D'accord? Donc, voilà, sur ce, je tenais à faire passer ce communiqué très important, que le séminaire qui avait été prévu au mois de février est renvoyé à une date ultérieure. Et que nos estimations, c'est de pouvoir le mettre en hiver. En hiver, pourquoi? Parce que, je voulais dire en été, autant pour moi. Nous sommes en hiver. En été. Donc, en été, pourquoi? Parce que, au moins, les mesures barrières peuvent être allégées, peuvent être... On les respecte, mais vous pouvez être même 100 personnes, ou 200, ou 1000 personnes. Si c'est dans un stade, il n'y a pas de problème. D'accord? Les paiements, je le répète, continuez à faire vos paiements. Au contraire, ça vous avantagerait. Ceux qui veulent, ceux qui sont des étudiants qui ont insisté de vouloir assister à ces séminaires-là, ils peuvent toujours continuer à faire leur paiement à contre-goutte jusqu'à la date butoir. Donc comme ça, au moins, vous aurez cette opportunité. Nous allons donc nous retrouver tous. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher des responsables. Vous pouvez nous contacter au niveau de nos forums. Vous pouvez contacter l'administratrice. Vous pouvez me contacter personnellement, ça ne me dérange pas. Vous pouvez également contacter la délégation au niveau de la France. Donc, Madame Félicité, et Annie et bien d'autres que vous connaissez certainement, ils peuvent vous faire asseoir, vous expliquer un peu dans les détails en ce qui concerne les paiements. Voilà sur ce que j'avais à vous dire. Désolé une fois de plus. Pour avoir renvoyé cette date-là. Et puis, j'avoue également que, pour être honnête, ce n'est pas une surprise, car, ça là, on aura le temps de vous expliquer ça en privé, nous n'avons pas atteint 10% de ce qu'il fallait. C'est-à-dire, si on aurait eu au moins 60 à 80% de ce qu'il fallait, on pourrait peut-être trouver, voyez-vous, 60 à 80% veut dire que si, par exemple, je donne un exemple, hein, si le séminaire conférence inclut transport et tout, les problèmes techniques, je ne veux pas en parler au public ici, si on atteint un 80%, par exemple, les places peuvent être assurées, la salle peut être déjà payée d'avance, et comme cela, à la date qu'on a renvoyée, eux, ils diront, on ne peut plus changer, parce que vous savez que en été, les prix augmentent. En hiver, les prix baissent. Parce qu'en été, vous savez que les gens s'expriment, même malgré le corona, les gens sont dehors là. Donc voilà pourquoi je disais que j'aurais souhaité que, avant l'été, j'aurais souhaité qu'on atteigne au moins 80 à 90% de ce qu'il faut pour minimum 60, voire 100 places. Parce que les salles que nous avions réservées, c'était pour, normalement, minimum 60 places. D'accord? Maintenant, si on veut aller à la hausse, les prix montent. Donc, le minimum était 60. Parce que pour nous, c'était beaucoup plus un séminaire-conférence basé sur la ritualité pratique. C'était beaucoup plus sur la pratique. Il n'y aura pas trop de conférences, de gros discours. Non. Si vous voyez bien le programme qu'on vous a édité, le programme se trouve là, si vous voulez avoir ce programme sur ce qui va être fait durant ce séminaire, vous pouvez vous rapprocher de l'administration, on va vous les balancer. D'accord? Donc, ne vous découragez pas, continuez à faire vos versements, continuez à assister aux enseignements, continuer à étudier les vidéos. Il y en a trop parce que là, je vais prendre une pause. Je me suis rendu compte que je vous ai trop donné des vidéos, des enseignements. Et ça vous rend paresseux. Je constate que les gens viennent poser les questions sur les mêmes choses que j'ai déjà dites. Donc, je vous prie donc de faire passer ce message entre vous pour tous ceux qui sont intéressés ou qui ont manifesté cet intérêt de me rencontrer en France, au Mont-Saint-Michel, en France, en février là. Dites tout le monde que vraiment le séminaire est renvoyé à une date ultérieure. La date vous sera communiquée ultérieurement, mais nous projetons l'organisation de ce séminaire en été, donc fin juin ou début juillet. C'est des estimations que nous prenons. Et pour votre information, si nous mettons cela pour l'été, rassurez-vous que les prix vont doubler. C'est-à-dire que la location de la salle qui avait été prévue en la circonstance, les prix vont flamber. C'est tout à fait normal. Mais souvent en hiver, au mois de février, ça nous revenait 50 fois, 50% moins cher. C'est tout à fait normal parce que les gens ne sont pas trop en activité. Donc, je vous encourage de continuer à faire les versements. Si vous avez des difficultés, veuillez, s'il vous plaît, vous rapprocher des responsables et contactez-nous et on vous expliquera dans le détail comment vous allez opérer les versements. Mais pour le moment, pas d'envoi dans le compte PayPal, pas d'envoi dans le compte, à part MoneyGram. Mais si c'est possible, on va vous dire vers quelle personne vous allez envoyer ça, la responsable qui s'occupera de ça au niveau des États-Unis. Parce que tous les versements se passent entre la France et les États-Unis. Et on vous expliquera tout dans la transparence. Il y a des réunions qui se font. Et nous avons de toutes les façons les noms de toutes les personnes qui font leur versement. Nous voulons faire du sérieux dans ce que nous voulons. Et s'il vous plaît, nous nous attendons également que de votre part, faisons vraiment le sérieux. Okay? Je vous encourage à prendre ceci au sérieux. J'ai eu une triste expérience en 2019. Souvenez-vous, je vous en parle toujours. Qu'en 2019, j'ai dû payer les billets d'avion, j'ai payé beaucoup de jusqu'aux hôtels. Les gens ont dit à la dernière minute, ils ne venaient pas. Et éviter d'envoyer l'argent à la dernière minute. Par exemple, là, j'ai constaté qu'il y a des gens qui ont commencé à appeler pour envoyer l'argent au mois de janvier, un mois avant, s'il vous plaît. Ça ne se passe pas comme ça. Évitez ça. Les grands événements, moi je sais, ici, les gens par exemple qui m'invitent dans les deux pays africains dont je vous parle, savez-vous depuis combien de temps ils m'ont invité? Ça, je ne vous ai pas dit, j'en parle publiquement. Ça remonte il y a bientôt 2 ans. Ah oui, ça remonte au mois de mars, si je ne me trompe pas, mars 2019. Mars 2019. Alors, vous vous rendez compte? Ils se sont préparés. Donc, ils ont mis le package. Ça remonte il y a 2 ans. Ils avaient déjà tout fait. C'est moi, par contre, mais moi, j'avais une dette morale vis-à-vis d'eux. Parce qu'ils m'ont dit, non, non, non, nous, tout est là, tout est prêt. Tout est fait. Donc, faites des efforts, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Europe, parce que c'est vous qui m'invitez là. Je sais qu'en janvier 2020, il y a certaines personnes qui venaient de l'Afrique. Je ne vais plus me répéter, il y a la publicité malheureusement qui a été détruite à cause du piratage de mon premier compte. Mais je crois que je ne me trompe pas, je vous dis bien, je répète la même chose. On va reprendre ces spots publicitaires. YouTube n'autorise pas de faire spots publicitaires sur leur chaîne, je ne sais pas. Est-ce qu'ils disent que non, ce n'est pas normal, sauf si on les paye. Mais ce n'est pas grave, on va le faire sur ma chaîne, ma page Facebook, puisque je suppose que vous tous vous êtes abonnés là-bas. Ma page Facebook, Tétan Zambé, le Tout-Puissant Kana. D'accord, je vais refaire la même pub, hein, mais elle ne change pas du tout. La pub que je dis, ce qui va être fait au cours du séminaire, c'est beaucoup plus sur des pratiques. Il n'y aura pas trop d'enseignements. Les grandes thématiques ont été déjà choisies, du premier jour jusqu'au dernier jour. Ça a été déjà choisi, c'est là. Et ces grandes thématiques seront basées sur les expériences. Donc, en janvier, les gens ont bénéficié de certains secrets. Et ça, je vais aller dans le même sens. Il y aura beaucoup de secrets. Et des techniques beaucoup plus pratiques. Les gens, jusqu'ici, les gens s'embrouillent toujours avec le rite du vin, c'est dommage. Les gens s'embrouillent toujours avec le rite du vin. Bon, ceux qui vont être au cours du séminaire, peut-être que ce sera une bonne occasion pour vous que je vous l'enseigne face à face, puisque vous aurez misé votre argent dans l'eau. Donc, là, je vais vous montrer maintenant face à face comment vous allez faire ces rites-là. D'accord? Et bien d'autres rites. Il n'y a pas que le rite du vin, il y a le rite de convocation. des entités les plus puissantes de votre famille que vous aimeriez avoir, vous qui rêvez être président de votre pays, vous qui rêvez être ministre de la Défense, ou bien vous qui rêvez être général 5 étoiles. Il y a des rites. Mais c'est au cours du séminaire que je peux vous donner tous ces rites-là. Voilà sur ce que j'avais à faire passer comme communiqué, vous dire, je tiens toujours à vous, ne me décevez pas, parce que les anglophones ont emboîté le pas, je ne fais que le répéter. Les pays anglophones qui m'invitent, ils se sont préparés il y a 2 ans. Mais ça n'a rien. Ce n'est pas des séminaires. Là-bas, on m'invite, c'est pour faire des travaux. Ils se sont préparés, ils ont misé leur package. Donc, c'est pour des travaux pratiques. C'est beaucoup plus sur la haute magie, des trucs comme ça, des opérations, des consultations directes sur place. C'est pour cela qu'ils m'ont invité. Mais vous m'invitez pour le séminaire-conférence. Donc, préparez-vous par conséquent, s'il vous plaît. Et je vous signale que ceux-là, ils ont misé presque le double de ce qui est prévu pour vous là. Donc, je vous en prie. Je vous en prie, ne vous découragez pas. Continuez à cotiser. Faites tout le possible. Parce que, je vous ai dit, je n'ai pas fini l'expérience de 2019. Imaginez-vous, j'avais dépensé près de 5 800 $, donc presque 6 000 $. 3 400 000 que j'ai dépensé de ma propre poche. Et à la fin, les gens me disent, non, on n'était pas prêt, non, il faut renvoyer. Bon, en janvier 2020, il y a eu quand même des efforts, mais je ne veux pas trop vous dire des boires encore que j'ai rencontré. J'espère que pour cette année 2021, faites des efforts, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas, peut-être parce que je n'ai pas les gros chapeaux du grand charlatan ou du grand Alibaba, je ne sais pas. Ne me sous-estimez pas, s'il vous plaît. Ne me sous-estimez pas. Ces pays anglophones qui m'invitent là, ils ne m'ont jamais vu sur le terrain, ils ne me connaissent pas. Mais ils ont entendu parler de moi. Et j'ai fait certaines choses, des miracles qu'ils ont observés à distance. Ils ont vu des manifestations. Donc c'est comme ça, eux, ils m'ont donné une confiance aveugle. C'est pour vous dire déjà que là, je veux me rendre. Ce n'est pas la blague, ça. Oui, ce n'est pas la blague. Parce que là, je vais leur montrer le grand vampire. C'est ma fierté, en fait. La fierté d'un gars francophone, d'un frère africain venant d'un pays francophone, qui va dans un pays anglophone, me retrouvant au milieu des plus grands sorciers de l'Afrique de l'Ouest. Et de l'Afrique de l'Est, autant pour moi. Et de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud. Donc, ce sera un grand défi. Mais eux, ils m'ont mis la confiance dessus. Mais maintenant, vous ne me décevez pas. Parce que je sais que la majorité parmi vous, il y a des Gabonais. La majorité, c'est des Gabonais qui me recevaient. Vous ne voulez pas avoir accès au vrai secret de la vie. Bon, négligez-en. Mais il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas au téléphone. Parce que je vois les gens ne font que m'appeler. Oh maître, je vous appelle. Vous ne me répondez pas. Oh maître, ma vie est calboignée. Ce n'est pas au téléphone. Je vous le répète. Il y a même certains qui m'ont demandé à ce que je fasse une intervention mystique à distance. Mais mes frères, vous voulez que moi je me déplace en vampire pour venir dans votre maison? Et quand je vous dis vous de me payer 3 millions, vous boudez. Mais vous ne pensez pas les risques que moi je prends? Vous savez les risques que je prends moi? À venir en vampire dans votre maison? Je dois défier, je dois m'assurer que votre maison n'a pas de haute protection. Pardonnez-moi, il n'est que 17h ici, mais là, il fait déjà noir. Je prends des risques. Mais je me rends compte que certains, c'est juste pour me tester. On vient. Viens me visiter, ma chère. Oh, maître, je vous appelle. Et vous osez m'appeler en vidéo sans mon autorisation. Bref, c'est une trêve de plaisanterie, mais c'est la vérité que je vous dis. Il y a quelqu'un qui a dit, on ne naît jamais prophète chez soi-même. Mais c'est les autres qui voient la valeur. Le fameux Jésus des chrétiens, il a regardé les juifs, il ne croit même pas en lui. Mais c'est en Afrique où les gens se tuent. En Afrique, en Europe, partout, partout. Les gens se tuent pour ce Jésus-là, qui n'ont même pas vu. Mais eux-mêmes, les Juifs, là-bas, ils disent « Ah, laissez-nous ce type-là ». Malheureusement, c'est le constat amer. Mes propres frères du Gabon, du Cameroun, du Congo, ils négligent. Et ce sont les autres là-bas, Kenya, Tanzanie, Ouganda, qui ont du respect pour moi, et l'Afrique du Sud. Bref, merci beaucoup de m'avoir suivi. Recevez cette vidéo, faites-la passer auprès des autres. Et leur faire passer le communiqué que le séminaire a été renvoyé à une date ultérieure et que en été, nous allons si possible. Tout dépendra de vous. Donc faites des efforts vraiment de mettre les sous dans le compte. Hein. Et si vous n'êtes pas très sûr, je vous ai seulement dit le compte PayPal, le compte de l'histoire de MoneyGram, non. Mais le reste, bon, c'est bon. Maintenant, ceux qui ont l'argent, ceux qui sont prêts, allez-y, appelez. Appelez dans les forums, appelez l'administratrice, appelez-moi, appelez Félicité, appelez Bernardo, je ne sais pas, Annie. Ils sont nombreux là. Appelez-les. D'accord? Ils vont vous expliquer la procédure à suivre. Merci beaucoup. Que Tata Mwanga vous bénisse. Merci. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et bonne heureuse année pour ceux que je n'ai pas vus. Je n'aime pas trop souhaiter cela. Bonne heureuse année hein, pour ceux que je n'ai pas pu voir depuis le début du mois de janvier. Et que d'ici là, portez-vous bien. Que Tata Mwanga vous protège. Merci. Merci.